La filiale allemande de l'association d'amitié avec la Corée a envoyé le 9 août une lettre à l'ambassade sud-coréenne dans son pays pour exiger de renvoyer immédiatement les citoyens de la République populaire démocratique de Corée enlevés collectivement par la bande traîtresse sud-coréenne. Par ailleurs, le forum allemand anti-impérialiste a publié le même jour une déclaration contre les démarches scélérates des États-Unis pour précipiter la nation coréenne dans les horreurs d'une guerre bactériologique.